chanson somme sélecte qui vient pour faire public la content. Nous pas parler pour nous faire concurrence, c'est pour nous pas tomber des quatre danses. Qui danser, danser ensemble c'est l'un. Aïe, venez danser ensemble c'est l'un. Aïe, oui son couler ensemble c'est l'un. Oui c'est lui au mandé ensemble c'est l'un. Aïe, tout monde content ensemble c'est l'un. Fanatique relé ensemble c'est l'un. Aïe, c'est une besoin ensemble c'est l'un. Aïe, pour nous boisson ensemble c'est l'un. Tout fanatique qui tombe frémi. Pourri dans ensemble sélecte. Nous commençons pas tant de rite. Oui, danser, danser ensemble c'est l'un. Aïe, venez danser ensemble c'est l'un. C'est le nous besoin ensemble c'est l'un. Aïe, boisson poulet ensemble c'est l'un. Aïe, danser, danser ensemble c'est l'un. Tout mon a chanté ensemble c'est l'un. Qui vient pour faire public la content. Nous pas parler pour faire concurrence. Et c'est pour nous pas tomber des catastrophes. Danser, danser ensemble c'est l'un. Aïe, pour vivre nous ensemble c'est l'un. Oui, oui, sans couler ensemble c'est l'un. Tout mon a chanté ensemble c'est l'un. Aïe, c'est lui nous mandé ensemble c'est l'un. Aïe, tout le monde content ensemble c'est l'un. Tout faire compliment ensemble c'est l'un. Danser, danser ensemble c'est l'un. Boisson coulée, ensemble c'est l'un. Pour vivre Noël, ensemble c'est l'un. Pour pas t'en dérêter, ensemble c'est l'un. C'est lui au remède, ensemble c'est l'un. C'est lui au danser, ensemble c'est l'un.